Donne le rôde à la terre. Sont de très loin celles que je préfère. Oh, oh, oh, oh, oh. Je connais les collines. Je suis née dans un pays qu'on connaît peu, que l'on déserte et c'est tant mieux, parce que les